calme au Johnny Go. Ça part en chasse, elle est coudée dans la zone. Elle bat et puis caler la résine. Ou visou, caca va te les fermer pour de bon. Ramène de la flamme à des clairs de parking et va fumer la baie. Va fumer la genja, on va tacler ton Joe. Ils veulent se péter mais ils savent même pas se bagarrer. Je viens finir mon plat directement, je pète une garo garé. Sans parking avec la jack, on s'arrache. On savait que certains n'étaient pas sincères. Même avec des galères, on s'en sort. Couteau dans le dos, on avancera, c'est sûr. C'est au moment que tu dors que je m'insère. Sans forcer, on leur fait la misère. J'ai juste besoin d'un U-mesure. Une fallu, une massage, et bobo roule un terre. Papa m'a acheté un bracelet, mais il veut pas qu'il finisse à ma cheville. Méchant sont tous les mecs de ma ville. Marche avant de vouloir recourir. J'ai peu de temps à consacrer, mais t'inquiète, mon ro, on s'attrape. Faut pas se rater, donc on reste concentré. Y'a que le boulot avant le repos sur le transat. C'est R, c'est la RUE. On vise plus haut, plus loin que les cieux. Protéger les siens, et ça tu le sais. Tu me respectes, je te respecte, gros, ça va des deux sens. Dans les loges, moi, je demande quoi. À ton avis, bah c'est un briquet. Mais on me demande de foutre le feu, donc forcément, je vais m'impliquer. C'est rien, c'est la rue, selon les voyous du secteur. Oui, y'a des imprévus, quand y'a Heja, tes spectateurs. Oui, y'a des imprévus, à chaque mission, tes spectateurs. Devant les condés, les petits du tiex ont le sourire moqueur. C'est rien, c'est la rue, t'es tout seul dans l'arène. Et toi on t'a pas cru, on sait bien que c'est pas vrai. C'est rien, c'est la rue, t'es tout seul dans l'arène. Et toi on t'a pas cru, on sait bien que c'est pas vrai. Pense à trop de choses, c'est brouillon dans ma tête. Parfois ça me tente, mais bon y'a Pépé qui me résonne et me dit laisse les CD tapettes. Benef de malade, grâce au détail y'a de tout. Viens si t'es consommateur, tu tires une seule barre direct, tu finis à terre. C'est vrai j'ai souvent l'esprit ailleurs. Ils comprennent à peu, on va leur faire comprendre que c'est nous seuls dans le Benz. Lâche-nous la grappe, sinon y'a Pépin pour toi, ça vient chez toi et ça fait bang. Même si t'as les bras, va t'inquiète, j'ai le flingue. Avec nous ça sert à rien de jouer les caïds. Au fond tu sais très bien que t'es dans le train. C'est pour des futilités, j'marche au lot comme un loup solitaire. Y'a plus de masse à dans le check. Donc ça s'enfume aux fantômes, trop de jus, je sors à peine belvédère. On se combine comme des atomes, visage neutre. J'rigole que sous ballon rempli d'air. Nous prends pas pour des athées, car c'est la foi que j'ai en Dieu qui me fait éloigner de l'enfer. En parlant de mon fer, Fébélé qui donne le tétanos. On vient de voler, on se retrouve dans la tanière. Scooter monte sur Paname, tout dans la nuit. J'roule une fusée, m'envoler comme la NASA. C'est bouché sur la nasse. Respecté par tes grands et je viens d'être. Trop de dormeurs dans le game. On fait la tech et on pénètre. On fait la tech et on pénètre. C'est rien, c'est la rue, selon les voyous du secteur. Oui, y'a des imprévus, quand y'a Heja, tes spectateurs. Oui, y'a des imprévus, à chaque mission, tes spectateurs. Devant les condés, les petits du tiex ont le sourire moqueur. C'est rien, c'est la rue, t'es tout seul dans l'arène. Et toi, on t'a pas cru, on sait bien que c'est pas vrai. C'est rien, c'est la rue, t'es tout seul dans l'arène. Et toi on t'a pas cru, on sait bien que c'est pas vrai.